Aussi étonnant que cela paraisse, tous les secrets de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas encore été dévoilés. Et certains documents ne sont toujours pas déclassifiés. Il y en est bien sûr ainsi en Russie, où malgré la fin de l'Empire soviétique, certaines archives demeurent inaccessibles, mais aux États-Unis aussi. Et en 1998, le président Clinton a dû créer une commission spéciale rassemblant des agents des principaux services secrets afin d'ouvrir une partie des dossiers sur les crimes nazis. Une partie seulement. Quant à la Grande-Bretagne, elle commence tout juste à permettre aux chercheurs de fouiller ses archives. Toutefois, certains documents ne seront pas consultables avant 2018. Et en France, la DGSE, notre service de renseignement, garde toujours dans ses coffres des informations jugées sensibles. Pourquoi cette chape de plomb? Que faut-il encore cacher plus d'un demi-siècle après la fin de la guerre? La première idée qui vient à l'esprit est que les anciens alliés, tant à l'Est qu'à l'Ouest, n'ont guère envie que l'on mette à jour leur compromission avec des criminels de guerre dans le cadre de la guerre froide. Mais ce n'est pas tout. Et alors qu'on vient de célébrer le 60e anniversaire de la libération des camps d'extermination, deux questions reviennent toujours aussi lancinantes. Qui savait et aurait-on pu agir pour mettre fin à l'Holocauste, ce que les nazis nommaient hypocritement la solution finale? Monsieur X a choisi, au cours de deux entretiens, de tenter de répondre à ces deux questions. Il faut d'abord bien avouer que pendant près de 25 ans, on a généralement oublié. Et il a fallu des gens comme Serge Klarsfeld ou Lanzmann pour que l'on prenne enfin conscience de l'horreur et de la spécificité du génocide. Il y a quand même eu auparavant des livres, des films, des témoignages. Ah certes, mais on préférait fermer les yeux. Prenons que l'exemple de la France. Regardez ce qui se passe en 1945. Alors que les déportés survivants reviennent peu à peu dans notre pays, on juge le maréchal Pétain. Eh bien, au cours des débats, c'est à peine si on évoquera le sort des Juifs. Pourtant, l'accusé est tout de même l'homme qui a promulgué le statut des Juifs et dont la police a arrêté des milliers d'entre eux. Ils ont été immédiatement déportés. Et pour la plupart exterminés, oui. Enfin, il en sera de même un peu plus tard lors du procès Laval. Quant à Bousquet, le chef de la police, l'homme qui a présidé à la rafle du Veldiv, il ne sera condamné qu'à 5 ans de dégradation nationale. Une condamnation aussitôt annulée au prétexte qu'il aurait transmis de précieux renseignements aux alliés. Non, la vérité c'est qu'on ne s'intéresse pas vraiment à cette question. Il y a eu des déportés, un point c'est tout. Alors oui, c'est ça, on évite de s'interroger sur le caractère systématique de la déportation des Juifs. Ah, sauf quand il s'agit d'accorder des indemnités. Les déportés qui ont été envoyés dans les camps du seul fait de leur judéité toucheront moins que les résistants. Autre exemple, dans leur mémoire, le général de Gaulle et Winston Churchill évoqueront la barbarie nazie, mais n'accorderont que quelques lignes au sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, pourtant, plus de 5 millions d'entre eux ont été exterminés. En effet, oui. Un point de détail de l'histoire, comme dirait Le Pen. Alors, pour bien comprendre, il faut revenir aux sources de cette monstruosité. Ouais, une monstruosité inconcevable. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ce que diront beaucoup de ceux qui découvriront l'ampleur du génocide. Ouais, c'est jamais on aurait pu imaginer. C'est ça, oui. Et pourtant, Hitler n'a aucunement dissimulé ses intentions. Déjà dans Mein Kampf, il annonce son intention d'éliminer la race juive. Et dans un discours de janvier 1939, il annonce que si une guerre mondiale éclate, il exterminera totalement les juifs. À l'époque, une menace qu'on ne prend pas au sérieux. Et pourtant, le Führer a déjà montré concrètement dans son pays que pour lui, les juifs n'étaient que des sous-hommes, persécutés et tenus en marge de la société. Et il ne va pas tarder à passer aux actes dès qu'il va attaquer son complice, Staline. Auparavant, enfin une parenthèse toutefois... Quoi? Les nazis, vous le savez sans doute, avaient décidé d'exterminer les malades mentaux. Oui, d'ailleurs, ils ont commencé à passer à l'action. Ouais, en les gazant, c'est exact. Mais aussitôt, le clergé et une partie de la population ont protesté. Et Hitler a décidé de surseoir à cette politique d'extermination. Ouais, je vois où vous voulez en venir, là. Si les Allemands et le clergé s'étaient fermement opposés à l'extermination des Juifs, Hitler aurait peut-être fait marche arrière. Encore aurait-il fallu que la population allemande sache exactement quel était le sort premier aux Juifs. Hein. Oui, vous avez raison, et ça nous ramène directement à notre sujet. Alors, je vous réponds tout de suite. Il est certain qu'au début, la plus grande partie de la population allemande ignorait tout. Pour ces gens-là, les Juifs raflés étaient envoyés à l'Est, sans doute dans des camps de travail forcé. C'était déjà beaucoup, hein. Bien sûr. Mais rapidement, la vérité s'est faite jour. Pourquoi, par exemple, ces Juifs déportés ne donnaient plus jamais signe de vie? Et puis, les témoins sont devenus de plus en plus nombreux. Tous ces Allemands, policiers ou militaires qui ont assisté ou participé au massacre. On n'y quitte pas des millions de personnes sans que ça se sache. Oui, mais les tueurs étaient quand même tenus au secret. Sans doute. Toutefois, des milliers d'Allemands ont été mêlés au génocide. Il était fatal qu'il y ait des fuites. Et puis, il y avait les populations civiles qui vivaient près des camps. Et ce n'est pas facile de dissimuler l'odeur de la mort ou de la chair brûlée. Et puis, il faudra encore parler des cheminots qui ont convoyé ces trains de la mort. Non, je vous assure, il était difficile de ne pas savoir. En fait, c'est bien ce que vous voulez dire. Les Allemands ne voulaient pas savoir. Exactement. Bon, alors, venons-en au point qui nous intéresse aujourd'hui. Chez les Alliés, quels étaient les éléments d'information dont on disposait? Pardonnez-moi, mais moi, je voudrais faire une parenthèse à mon tour. Hein. Quand les nazis ont-ils pris la décision d'exterminer systématiquement les juifs d'Europe? Je vous l'ai dit, l'idée, si je puis dire, c'était dans l'air depuis longtemps. Mais Hitler, occupé par la conduite de la guerre sur le front ouest, n'avait pas encore élaboré le plan. La décision a vraisemblablement été prise vers la fin de l'année 40, en même temps que la décision d'attaquer l'URSS. Et effectivement, ce sont d'abord les juifs soviétiques qui vont être les premières victimes de ce génocide. En Ukraine d'abord. Hein. Et dans les pays baltes. Mmh. Tous les territoires conquis doivent être débarrassés de leurs juifs. Et aussi, car ils sont trop souvent oubliés, de leurs tziganes. À cet effet, des commandos spéciaux ont été formés, les sinistres Einsatzgruppen. Qui les compose, là? Des SS et des membres de l'ORPO, c'est-à-dire la police d'ordre. Mais à l'occasion, ils sont secondés par des hommes de l'armée régulière, la Wehrmacht. Ils agissent derrière la ligne de front et sont chargés d'anéantir méthodiquement la population juive au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes. Ouais, avec quels moyens, alors? Leurs armes à feu, hommes, femmes, enfants sont fusillés. Parfois, ils sont disposés au bord des fosses qu'ils ont eux-mêmes creusées et dans lesquelles ils tombent après avoir été tués. Il suffit ensuite de recouvrir de terre ou de chaux vives les charniers. Mmh. Et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces premiers massacres? À la fin de l'année 1941, c'est-à-dire seulement quelques mois après le début de l'opération Barbarossa, plus de 500 000 juifs ont déjà été assassinés. Et à l'été 1942, on arrivera au chiffre d'1,5 million. Entre-temps, 15 hauts dignitaires nazis se sont réunis à Wannsee en janvier 42. Et c'est au cours de cette conférence qu'est décidée la mise en œuvre, dans le plus grand secret, bien sûr, de ce qu'on va appeler la solution finale. Ouais, c'est-à-dire l'extermination systématique des juifs européens. Avec le plein accord de Hitler. Bah, évidemment. Ouais. C'est l'aboutissement d'un processus pratiquement inéluctable. Pour les nazis, la défaite de 1918 et l'effondrement qui s'en est suivi sont le fait des juifs. L'ennemi intérieur, comme ils disent. T'es fou, hein? Ah, complètement fou, je vous l'accorde. Mais Hitler en était persuadé. Cet ennemi intérieur, il faut donc s'en séparer d'une manière ou d'une autre. Et le Führer pense d'abord très sérieusement à une politique massive de transfert. Les juifs seraient par exemple déportés au Birobidjan soviétique où Staline a créé une république juive. D'autres imagineront, après la défaite française de 1940, de les envoyer à Madagascar. Mais Vichy s'y opposera. Ouais, quand même. Et enfin, les nazis penseront à stériliser les juifs. Ouais. Ainsi, la race s'éteindra d'elle-même. Oui, mais à Wannsee, la solution radicale qui s'impose, c'est l'extermination physique. Et déjà, on pense à industrialiser le massacre en créant des camps spécialisés dans l'extermination. Le plus grand d'entre eux étant installé en Pologne, à Auschwitz. Cette industrialisation du crime répond aussi, paradoxalement, à une raison humanitaire. Pas du côté des victimes, mais de celui des bourreaux. Ouais, il faut expliquer, là. Sur le front de l'Est, Himmler a tenu à assister en personne à la liquidation de plusieurs dizaines de juifs, selon les méthodes utilisées par les Einsatzgruppen. Les fusillades. Et cette grande âme estime que ce style d'exécution soumet les assassins à une trop grande tension psychologique. Et là, je vous assure que je n'invente absolument rien. D'où la décision de recourir à d'autres méthodes. Oui, les nazis pensent d'abord aux camions. Ah oui, les gaz d'échappement. Oui, ça, c'était inventé par Staline. Mais enfin, les juifs sont enfermés à l'arrière et par un tuyau, le pot d'échappement rejette directement les gaz à l'intérieur d'une cabine étanche. Mais l'asphyxie est relativement longue. Le camion doit en effet rouler un bon quart d'heure. Et puis, il y a le problème des corps dont il faut ensuite se débarrasser. Et c'est pourquoi germe dans l'esprit rationnel de ces tueurs l'idée d'utiliser le gaz. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Déjà, les malades mentaux ont été ainsi éliminés, je vous l'ai dit. Ouais. Mais là, on va voir les choses en grand. Oui, une première tentative a lieu fin 1941 au camp de Chelmno, une petite ville polonaise située près de Lodz. Et elle donne, si j'ose dire, toute satisfaction. Et c'est ainsi que sont conçues les chambres à gaz des camps d'extermination. Chambres auxquelles on adjoindra des fours crématoires pour éliminer les corps des suppliciés. Et enfin, comble de l'horreur, on confiera le sale boulot, c'est-à-dire la récupération des corps, après le gazage, à d'autres déportés. Ouais. Toujours le souci de ménager la sensibilité des bourreaux. Hein. Et c'est ainsi que la machine de mort se met en place à partir du printemps 42. Et elle va tourner à plein régime pratiquement jusqu'à la fin du Troisième Reich, où les assassins s'efforceront d'effacer toute trace de leur forfait en démantelant les installations des camps. Alors, revenons maintenant, si vous voulez bien, à la grande question. Qui savait ? Qui savait, à l'extérieur de l'Allemagne et des pays occupés. Oui. La première information sérieuse provient de Moscou, quelques semaines seulement après l'invasion nazie. Au micro de Radio Moscou, plusieurs prestigieux intellectuels juifs d'Union soviétique évoquent les crimes commis par les Einsatzgruppen et parlent du programme d'extermination systématique des juifs. Mmh. Et cette émission est captée en Occident ? En effet, mais l'information n'est pas prise au sérieux. Et pourquoi alors ? Parce qu'elle vient de Moscou et que tout ce qui vient du RSS est suspect. Revenons un instant sur cette conférence de Wannsee. Où a été décidée l'application de la solution finale? Voici ce que je lis dans le livre de Stéphane Courtois et Adam Reski, Qui savait quoi? Le procès-verbal de cette conférence, rédigé par Adolf Eichmann, chargé des affaires juives à la direction de la sécurité du Reich, expose, à l'aide des euphémismes consacrés par la pratique nazie, la nouvelle politique anti-juive du Reich. Avec l'autorisation du Führer, l'évacuation des juifs vers l'Est remplace l'émigration en tant que solution possible. Dans le cours de la solution finale, les Juifs, dûment encadrés, doivent être soumis au travail obligatoire à l'Est de la manière qui conviendra le mieux. Une grande partie d'entre eux disparaîtra sans doute par élimination naturelle. Les survivants, c'est-à-dire la fraction la plus résistante, devront être traités en conséquence. Fruit d'une sélection naturelle, ils pourraient, une fois libéré, formait le germe d'une reconstitution de la race juive. Au cours de l'application pratique de la solution finale, toute l'Europe, de l'Ouest à l'Est, doit être passée au peigne fin. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Si on ne prend pas au sérieux cette information de Radio Moscou, est-ce que parce qu'on pense que c'est sans doute de la propagande? Oh, certainement. En outre, l'URSS était, il n'y a pas si longtemps encore, lié par un pacte avec l'Allemagne nazie. Ouais. Ça faisait donc beaucoup de raisons de se méfier. En outre, et il faut bien l'avouer, il circulait alors un flot d'informations pas toujours vérifiées et souvent contradictoires sur les sévices infligés aux Juifs. Ouais, d'où la méfiance. Et même l'incrédulité. Et pourtant, les services de renseignement disposent, dès le commencement des massacres par les Einsatzgruppen, de plusieurs sources d'informations. Il y a d'abord des télégrammes que ces commandos de la mort envoient à leurs supérieurs pour rendre compte de leurs activités. Quoi, des télégrammes, pas des télégrammes en clair, hein. Non, bien sûr que non, mais les tueurs utilisent un code assez ancien que les spécialistes anglais interceptent et n'ont aucun mal à déchiffrer. Ensuite, il y a les rapports très circonstanciés qu'un diplomate chilien envoie à son gouvernement. Des documents très crédibles, parce que ce consul est plutôt pro-nazi. Ah oui, donc fiable. Oui, parce qu'il raconte par le menu ce que lui confient ses amis allemands à propos des massacres perpétrés en Ukraine et dans les pays baltes. Ou encore sur la situation du ghetto de Varsovie, où les nazis vont concentrer près d'un demi-million de juifs dans des conditions parfaitement inhumaines. Alors, des informations filtrent. Oui, et qui finissent par parvenir aux États-Unis. Enfin, ces exécutions massives de juifs, même si elles ont parfois lieu dans des lieux isolés, comme des forêts, ne peuvent pas rester longtemps inaperçues. Et très vite, la résistance polonaise en fait état. En novembre 1941, par exemple, grâce à ces canaux, l'agence télégraphique juive peut annoncer que plus de 50 000 juifs ont été tués à Kiev. Information reprise à la BBC par le célèbre écrivain allemand exilé Thomas Mann. Alors, on commence à savoir. C'est exact. Et les révélations se multiplient sur les exactions commises par les Einsatzgruppen. Il en est ainsi du massacre de Babi Yar en septembre 1941, où plus de 33 000 juifs ont été abattus. Ces nouvelles d'exécution de masse sont relayées par les organisations juives, mais aussi par des sources d'information qui passent par Budapest puis par Istanbul. Donc, à l'Ouest, on ne peut plus rien ignorer. C'est juste. Bon, soyons francs, ça n'émeut pas grand monde. Je dirais même plus, on y croit guère. Et pourquoi alors? Ça tient d'abord à la monstruosité du crime. Des massacres à une telle échelle, non, on n'arrive pas à imaginer. Étonnez, même les responsables sionistes installés à Jérusalem pensent qu'il s'agit d'actes isolés. Ensuite, il faut bien l'avouer, cette incrédulité est aussi nourrie par l'antisémitisme latent qui existe chez les élites anglo-saxonnes de l'époque. Ouais, les histoires de juifs, quoi. Et ces juifs, se dit-on, ont une propension naturelle à exagérer et à se plaindre tout le temps. Bon, bien sûr, je grossis peut-être un petit peu le trait. Ouais, tout de même, devant tant d'informations concordantes. Oui, je sais, mais telle est pourtant la vérité. Et au début de 1942, lorsque les alliés se retrouvent à Londres pour parler de ces crimes, ils dénoncent les atrocités commises par les nazis, mais omettent de mentionner que les juifs sont les principales victimes de cette barbarie. Ça entraîne de vives protestations des organisations juives. Mais on leur répond qu'il n'y a pas lieu de mentionner spécifiquement les juifs. Les juifs polonais ou ukrainiens sont d'abord des citoyens polonais ou ukrainiens. Et pourtant, les informations qui proviennent d'Europe de l'Est se font de plus en plus précises. Par exemple? Au printemps 42, le Bund envoie un document très important à Londres. Le Bund, il faut le rappeler, c'est le parti socialiste des juifs d'Europe de l'Est. Tout à fait. Mmh. Eh bien, donc, dans ce document, le Bund affirme que les nazis se livrent à une extermination systématique des juifs de Pologne et de Lituanie, et avec l'aide des bandes fascistes locales. Les socialistes donnent de nombreux détails, et pour la première fois, ils font état des gazages effectués à Chelmeau. Mmh. Et là encore, alors, quelle réaction? L'incrédulité, toujours. Et cependant, la BBC diffuse le contenu de ce document. Quand même, alors. Ah oui, à Washington, ça commence à bouger, enfin. Le département d'État, c'est-à-dire le ministère états-unien des Affaires étrangères, décide même de lancer une enquête sur ces massacres. Ah, il n'empêche que c'est toujours l'incrédulité qui prévaut, au moins dans l'opinion occidentale. L'opinion, mais ce que les dirigeants, eux, savent. Ah, surtout les services de renseignement. C'est un des grands secrets de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, parce que nous en avons déjà parlé, les Britanniques, grâce en particulier à des informations fournies avant la guerre par le deuxième bureau français, se sont acharnés à percer les mystères de la fameuse machine Enigma. Ouais, c'est-à-dire la machine à coder des Allemands. Une machine très sophistiquée qui leur permettait de transmettre des ordres ou des messages en toute sécurité. Les Britanniques ont donc réuni dans un lieu ultra secret la crème de leurs mathématiciens et de leurs linguistes, des milliers de chercheurs. Mmh. Et ils ont réussi alors à... Passe les détails car nous avons déjà évoqué cette affaire. Mais dès 1940, cette formidable équipe a pu déchiffrer une partie des messages échangés entre l'état-major allemand et ses généraux. Mais, et c'est l'un des problèmes qui se pose en permanence aux services secrets, il fallait surtout éviter de donner la puce à l'oreille de l'ennemi en exploitant cette fabuleuse source de renseignements. Mmh. C'est-à-dire que les Allemands ne devaient pas savoir que leur code était cassé. Et cette protection absolue du secret a parfois eu des conséquences dramatiques. Le bombardement de Coventry, par exemple. Oui, parce que Churchill savait que la ville allait être bombardée. Ah oui, mais s'il avait donné l'ordre d'évacuer la ville ou de prendre des mesures de défense, Berlin aurait aussitôt compris que ses communications n'étaient plus sécurisées. Par conséquent, Londres a laissé bombarder Coventry et plus de 500 Britanniques l'ont payé de leur vie. Mais pour protéger ce grand secret. Ah, cette source de renseignements appelée Ultra. Eh bien, de la même façon, les services britanniques ont assez vite obtenu des informations très détaillées sur ce qui se passait réellement à l'Est. Le Holocauste. En effet. Mais comme dans le cas de Coventry, il a été décidé de garder le silence. Même les rapports transmis au gouvernement ont été expurgés. Il fallait à tout prix protéger Ultra et éviter les fuites. D'accord, mais à partir du moment où d'autres sources, autres qu'Ultra, font également état du programme nazi d'extermination, est-ce que le silence ou le scepticisme sont encore de mise? Parce que les services de renseignement, eux, savent que toutes ces informations qui proviennent de l'Est sont vraies. Ouais, c'est effectivement une question troublante. Les autorités pouvaient désormais faire état de la politique d'extermination entreprise par les nazis sans brûler Ultra. Or, la position officielle britannique continue, non pas à nier, mais à minorer le massacre. Mmh, l'accusation d'exagération de la part des juifs, toujours. Et toujours une excessive prudence. Le Foreign Office n'infirme ni ne confirme. Très hypocrite tout ça, hein? Oui, je vous l'accorde. Et cela, au moment même où de nouveaux renseignements arrivent à Londres et à Washington. Le rapport le plus important est signé par le docteur Gerhard Riedner, le représentant du Congrès juif mondial à Genève. Riedner a eu un contact avec un industriel allemand secrètement anti-nazi, mais suffisamment bien introduit dans les plus hautes sphères du régime hitlérien. Mais qui ce... On ne saura jamais son nom, même après la guerre. Mais il aurait pu s'agir d'un homme qui aurait dirigé une entreprise près du camp d'Auschwitz. Car on travaillait aussi à Auschwitz, les hommes valides. Enfin, tant qu'il le restait. Ensuite, ils étaient promis aux chambres à gaz, comme les femmes, les vieillards et les enfants. Quoi qu'il en soit, cet industriel anti-nazi fournit à Riedner une information capitale qui accrédite son témoignage. D'après lui, les juifs sont assassinés au moyen d'un dérivé de l'acide prussique. Un débat a longtemps opposé les historiens sur la mise en œuvre de la Shoah. D'un côté, il y a ceux, les intentionnalistes, qui affirmaient que Hitler avait méthodiquement appliqué un programme d'extermination élaboré dès l'avant-guerre. D'autres, au contraire, prétendaient que la Shoah découlait d'une série de décisions prises par les dirigeants nazis sans véritable coordination. Le texte suivant donne raison sans aucune ambiguïté au premier. Je l'ai trouvé dans le journal de Goebbels. Le propagandiste du Troisième Reich écrit en effet ceci fin 1941. Pour ce qui est de la question juive, Hitler a décidé d'accélérer les choses. Il a promis aux juifs que s'ils causaient une autre guerre mondiale, ils expérimenteraient leur propre anéantissement. Ce n'est pas une vaine menace. La guerre mondiale s'approche et l'annihilation des juifs doit en être l'inévitable conséquence. Il faut traiter ce sujet sans sentimentalisme. Nous ne sommes pas ici pour sympathiser avec les juifs, mais avec notre peuple allemand. L'acide prussique ou cyanhydrique est utilisé pour détruire la vermine. L'utilisation de ce puissant poison commercialisé par Egefarben sous le nom de Zyklon B ne doit rien au hasard. Pour les nazis, les juifs sont assimilés à la vermine. Mais je reviens au rapport du docteur Regner. Très précis. Il indique que 3 à 4 millions de juifs européens vont être exterminés. Mais sans compter ceux qui l'ont déjà été par d'autres moyens. Et alors, ce rapport, où atterrit-il? Via les services consulaires anglo-saxons de Genève qui en prennent connaissance. Il est transmis à ses destinataires anglais et américains, des représentants du Congrès juif mondial. Alors ça va être encore une nouvelle confirmation pour Londres et pour Washington. Certainement. Et certaines de ces informations sont reprises par la presse, le New York Times par exemple. Enfin, attention, pas en première page quand même. Et pourtant, convenez-en, l'annonce qu'il existe une véritable industrie allemande de la mort avec chambre à gaz et four crématoire est quand même une information de première importance, non? Oui, mais ça veut dire que les journalistes sont aussi timorés que leurs gouvernants. Et que le doute peut-être subsiste encore. Un doute encouragé par ces mêmes gouvernants. Ouais, mais pourquoi enfin... Je vous propose de répondre à cette question, mais un petit peu plus tard, si vous voulez bien. Mais sans vouloir excuser les uns et les autres, il faut tout de même se rappeler ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Quoi? Les méfaits de la propagande. En Grande-Bretagne, tout particulièrement. La presse, intoxiquée par les autorités, avait alors prétendu que les soldats allemands avaient massacré des bébés belges. Ce qui est faux. Parfaitement faux. On l'a appris plus tard. Cette affaire avait durablement marqué les journalistes anglo-saxons. Ouais, qui étaient donc là, enclins à se méfier à cause de ce bourrage de crâne dont ils avaient déjà été victimes. Oui, d'autant plus que les chiffres avancés semblaient incroyables. Il n'y avait pas d'exemple dans l'histoire d'un tel massacre. Si, les Arméniens en 1915. Ah oui, à l'époque, on le savait à peine. Ouais. Donc c'est vrai, enfin, c'est ce que vous voulez, on pouvait nourrir des doutes. Je le pense sincèrement, oui. Enfin, poursuivons. Deux grandes institutions internationales sont également très précisément informées. La Croix-Rouge, d'abord. Ses représentants dans les territoires occupés par les nazis envoient des rapports très circonstanciés. Mais l'organisation, arguant de sa neutralité, interdit à ses membres d'évoquer publiquement les massacres. Ceux qui le font agissent donc à titre privé. Ce sera le cas du docteur Bugart, qui informera le consul états-unien à Genève. Et la deuxième institution, alors? L'Église catholique, naturellement. En Europe de l'Est, elle dispose de milliers de prêtres qui peuvent être autant d'informateurs. Et s'il y a des résistances, en particulier de la part de la hiérarchie catholique allemande, beaucoup d'ecclésiastiques donnent l'alerte. Dès mars 1942, le nonce de Bratislava annonce que les juifs vont être exterminés. Ouais. Donc, au Vatican, on sait. Oui, incontestablement. Cependant, là aussi, on s'abstiendra de le confirmer. Officiellement, en tout cas, car le Vatican communiquera à Washington ses propres informations sur le génocide qui est en train de s'accomplir. Et cette position entraînera la polémique que l'on sait sur l'attitude de Pie XII quant au sort des juifs. Bien évidemment. J'ajoute, parce que c'est quand même extraordinaire, qu'on va bientôt disposer à l'Ouest d'un témoignage de première main, un témoignage direct. Ah, c'est à raconter, là. C'est l'histoire d'un coursier du gouvernement polonais en exil, Jean Karski, connu aussi sous le nom de Kozelewski. Retourné clandestinement dans son pays, après avoir été arrêté par la Gestapo et libéré par des résistants polonais, il a réussi l'exploit de pénétrer dans le camp d'extermination de Belzec. Mais comment... En empruntant l'uniforme d'un gardien estonien. Et là, il a vu de ses propres yeux l'horreur, les chambres à gaz, les cadavres par centaines, les crématoires. Le plus étonnant, c'est qu'il a pu ressortir et ensuite traverser l'Allemagne et rejoindre la France. Et grâce à un réseau polonais, franchir les Pyrénées pour ensuite gagner Londres et rendre compte à son gouvernement, puis aux autorités britanniques et aux dirigeants de la communauté juive. Mmh. Alors là, le doute n'était plus permis. En effet, car Karski était un témoin fiable. Mmh. Et son retour se situe quand là ? Il revient à Londres en novembre 1942. Il sera reçu un peu plus tard par le président Roosevelt. Ce n'est sans doute pas par hasard si très vite après, les alliés prennent enfin clairement position. De quelle façon ? En décembre 1942, plusieurs gouvernements alliés auxquels s'associe le comité de la France libre signent une importante déclaration au terme de laquelle ils stigmatisent les agissements des autorités allemandes qui organisent les massacres de masse. Mmh. Et cette fois-ci, on parle des juifs ? Oui, explicitement. Et non seulement cette déclaration cite des chiffres, plusieurs centaines de milliers de victimes innocentes, mais elle affirme que les responsables auront à répondre de leurs crimes. Vous avez dit que le comité de la France libre avait été associé à cette déclaration. Donc, le général de Gaulle savait lui aussi. Mais comme Roosevelt, comme Churchill, c'est évident. Alors, pourquoi en a-t-il plus tard si peu parlé ? Bah écoutez, c'est pas à moi de défendre le général, mais je pense qu'il n'a pas voulu faire de différence entre déportés. Pour lui, les hommes et femmes envoyés en Allemagne étaient avant tout des Français, victimes de la politique de Vichy. Toutefois, vous avez raison de le remarquer, notre pays a trop longtemps passé sous silence le fait que les nazis s'étaient spécifiquement attaqués aux Juifs. En outre, pour un homme comme de Gaulle, l'important c'était d'abord la capitulation de 1940 et la collaboration avec l'ennemi. Mais le reste, y compris la déportation des Juifs, n'en était qu'une conséquence, pas ? Dans l'esprit du général, oui. Même si on peut regretter que la grande voix de De Gaulle n'ait pas attaché une plus grande importance à cette horreur. Enfin, passons, si vous voulez bien. Malgré la déclaration courageuse des alliés en 1942, beaucoup de gens, à commencer par des dirigeants, des intellectuels éminents, n'arrivent pas à réaliser l'ampleur du drame qui se déroule à l'Est. Certes, ils ne doutent pas de la brutalité des méthodes nazies, mais exterminer tout un peuple, non, ça, ils n'arrivent pas à y croire. Une parenthèse ici qui accrédite les propos de M. X. Voici ce qu'écrit Raymond Aron dans ses mémoires. Le génocide, qu'en savions-nous à Londres ? Au niveau de la conscience claire, ma perception était à peu près la suivante. Les camps de concentration étaient cruels, dirigés par des gardes-chiourmes recrutés non parmi les politiques, mais parmi les criminels de droit commun. La mortalité y était forte, mais les chambres à gaz, l'assassinat industriel d'êtres humains, non. Je l'avoue, je ne les ai pas imaginés, et parce que je ne pouvais pas les imaginer, je ne les ai pas su. Il y avait donc une sorte de blocage, malgré les informations toujours plus nombreuses, toujours plus précises, qui parvenaient à l'Ouest en dépit du secret dont les nazis entouraient leur crime. Et à l'Est, alors ? Bon, on est aussi parfaitement informés. L'URSS n'a d'ailleurs pas tardé à s'associer à la déclaration de décembre 42, qui promettait des représailles contre les criminels de guerre, sans toutefois mentionner le cas des Juifs. Pas avant 1944, en tout cas. C'est l'année aussi où, à l'Ouest, on obtiendra un rapport très détaillé sur le fonctionnement du camp d'Auschwitz. Mais pour l'opinion, il faudra attendre la libération des camps pour prendre la vraie mesure du génocide. Mmh. Alors, un peu plus tôt, vous m'avez dit que vous expliqueriez pourquoi les Alliés ont tant tardé à condamner et à réagir autrement que par des déclarations. Volontiers. Et d'abord, pouvait-on agir et s'opposer matériellement à l'Holocauste ? Je vous propose de vous en parler dans la suite de cet entretien la semaine prochaine, si vous voulez bien. Rendez-vous est pris, oui. Alors, comment expliquer les atermoiements et même les dénégations ? Il y a deux raisons. La première, la plus compréhensible, c'est que le souci premier des alliés est la conduite de la guerre. Et uniquement cela. Mais nous y reviendrons bientôt. La deuxième raison est beaucoup plus moins reluisante. C'est la question des réfugiés. Expliquez. Les anglo-saxons aurait très bien pu proposer aux Allemands de recueillir les Juifs condamnés à être exterminés, ou même à tenter des opérations militaires pour tenter d'en sauver un certain nombre. En Bulgarie ou en Hongrie, par exemple, mais se poser aussitôt la question du sort de ces personnes. Ces réfugiés, comme on les appelait, très hypocrites. Ouais, c'est qu'en faire, quoi. C'est ça. Les États-Unis, qui avaient instauré une politique de quotas pour leurs émigrés, n'en voulaient pas. Quant à la Grande-Bretagne, elle redoutait que ces Juifs n'aillent s'installer en Palestine. Mais parce que la Palestine, il faut le rappeler, était alors sous mandat britannique. Et l'émigration des Juifs entre les deux guerres avait déjà suscité une hostilité certaine des autochtones arabes. Ouais, alors l'arrivée d'autres Juifs risquait de provoquer des troubles. Et surtout de menacer la mainmise britannique sur la région. Et c'est pourquoi les réfugiés ont été abandonnés à leur triste sort. La semaine prochaine, M. X répond donc à la question « Que pouvait-on faire ?» En attendant, revenons un instant sur l'incrédulité ou le scepticisme des dirigeants occidentaux lorsqu'ils ont été informés en pleine guerre de l'entreprise d'extermination des Juifs par les nazis. En 1988, Gerhard Ringer, le représentant du Congrès juif mondial, un des premiers hommes à avoir pu informer le camp occidental, s'en explique très simplement devant l'historien André Caspi, je le cite. Mais on n'a pas cru pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y avait pas eu de précédent. Certains dirigeants juifs restaient sceptiques. Deuxièmement, on avait affaire aux mensonges de la propagande de la Première Guerre mondiale. Troisièmement, le secret. Ils, c'est-à-dire les nazis, ont inventé un langage pour le cacher. Quatrièmement, il y avait de l'antisémitisme du côté allié. Et l'antisémitisme était fort. Cinquièmement, ce n'était pas compréhensible. Un être humain normal ne pouvait pas comprendre. Ce texte a été publié par la revue L'Histoire en 1989.